Psaume 14. Psaume de David, donné au maître chantre. L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils se sont rendus abominables en leurs actions, il n'y a personne qui fasse le bien. L'Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s'il y en a quelqu'un qui soit intelligent, et qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus odieux, il n'y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul. Tous ces ouvriers d'iniquité n'ont-ils point de connaissance? Ils mangent mon peuple comme s'ils mangeaient du pain, ils n'invoquent point l'Éternel. Là ils seront saisis d'une grande frayeur, car Dieu est avec la race juste. Vous faites honte à l'affligé de ce qu'il s'est proposé l'Éternel pour sa retraite. Oh, qui donnera de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel aura ramené son peuple captif, Jacob s'égaiera, Israël se réjouira.